Chapitre 6e. Ruiné, dépouillé, perdu. Il était resté sur le banc comme étourdi par une commotion. Il maudissait le sort. Il aurait voulu battre quelqu'un. Et pour renforcer son désespoir, il sentait peser sur lui une sorte d'outrage, un déshonneur. Car Frédéric s'était imaginé que sa fortune paternelle monterait un jour à 15 000 livres de rente. Et il l'avait fait savoir, d'une façon indirecte, aux Arnoux. Il allait donc passer pour un hâbleur, un drôle, un obscur polisson, qui s'était introduit chez eux dans l'espérance d'un profit quelconque. Et elle, Madame Arnoux, comment la revoir maintenant? Cela d'ailleurs était complètement impossible, n'ayant que 3 000 francs de rente. Il ne pouvait loger toujours au 4e, avoir pour domestique le portier, et se présenter avec de pauvres gants noirs bleuis du bout, un chapeau gras, la même redingote pendant 1 an, non, non, jamais. Cependant, l'existence était intolérable sans elle. Beaucoup vivaient bien qui n'avaient pas de fortune, des lauriers entre autres, et il se trouva lâche d'attacher une pareille importance à des choses médiocres. La misère, peut-être, centuplerait ses facultés. Il s'exalta en pensant aux grands hommes qui travaillent dans les mansardes. Une âme comme celle de Madame Arnoux devait s'émouvoir à ce spectacle, et elle s'attendrirait. Ainsi, cette catastrophe était un bonheur après tout. Comme ces tremblements de terre qui découvrent des trésors, elle lui avait révélé les secrètes opulences de sa nature. Mais il n'existait au monde qu'un seul endroit pour les faire valoir, Paris. Car dans ses idées, l'art, la science et l'amour, ces trois faces de Dieu, comme eût dit Pellerin, dépendaient exclusivement de la capitale. Il déclara le soir à sa mère qu'il y retournerait. Madame Moreau fut surprise et indignée. C'était une folie, une absurdité. Il ferait mieux de suivre ses conseils, c'est-à-dire de rester près d'elle, dans une étude. Frédéric haussa les épaules. Allons donc, se trouvant insulté par cette proposition. Alors la bonne dame employa une autre méthode. D'une voix tendre et avec de petits sanglots, elle se mit à lui parler de sa solitude, de sa vieillesse, des sacrifices qu'elle avait faits. Maintenant qu'elle était plus malheureuse, il l'abandonnait. Puis, faisant allusion à sa fin prochaine, « Un peu de patience, mon Dieu, bientôt tu seras libre. » Ces lamentations se répétèrent 20 fois par jour durant 3 mois. Et en même temps, les délicatesses du foyer le corrompaient. Il jouissait d'avoir un lit plus mou, des serviettes sans déchirure, si bien que, lassé, énervé, vaincu enfin par la terrible force de la douceur, Frédéric se laissa conduire chez maître Prouaram. Il n'y montra ni science ni aptitude. On l'avait considéré jusqu'alors comme un jeune homme de grands moyens qui devait être la gloire du département. Ce fut une déception publique. D'abord, il s'était dit « Il faut avertir Madame Arnoux ». Et pendant 1 semaine, il avait médité des lettres dithyrambiques et de courts billets, en style lapidaire et sublime. La crainte d'avouer sa situation le retenait. Puis, il songea qu'il valait mieux écrire au mari. Arnoux connaissait la vie et saurait le comprendre. Enfin, après 15 jours d'hésitation, « Bah, je ne dois plus les revoir, qu'il m'oublie. Au moins je n'aurai pas déchu dans son souvenir. Elle me croira mort et me regrettera, peut-être. » Comme les résolutions excessives lui coûtaient peu, il s'était juré de ne jamais revenir à Paris et même de ne point s'informer de Madame Arnoux. Cependant, il regrettait jusqu'à la senteur du gaz et au tapage des omnibus. Il rêvait à toutes les paroles qu'elle lui avait dites, au timbre de sa voix, à la lumière de ses yeux, et se considérant comme un homme mort, il ne faisait plus rien, absolument. Il se levait très tard, et regardait par sa fenêtre les attelages de rouliers qui passaient. Les 6 premiers mois, surtout, furent abominables. En de certains jours, pourtant, une indignation le prenait contre lui-même. Alors il sortait. Il s'en allait dans les prairies, à moitié couvertes durant l'hiver par les débordements de la Seine. Des lignes de peupliers les divisent. Ça et là, un pont s'élève. Il vagabondait jusqu'au soir, roulant les feuilles jaunes sous ses pas, aspirant la brume, sautant les fossés. À mesure que ses artères battaient plus fort, des désirs d'action furieuse l'emportaient. Il voulait se faire trappeur en Amérique, servir un pacha en Orient, s'embarquer comme matelot, et il exhalait sa mélancolie dans de longues lettres à Des Lauriers. Celui-là se démenait pour percer. La conduite lâche de son ami et ses éternelles jérémiades lui semblaient stupides. Bientôt, leur correspondance devint presque nulle. Frédéric avait donné tous ses meubles à Des Lauriers, qui gardait son logement. Sa mère lui en parlait de temps à autre. Un jour, enfin, il déclara son cadeau, et elle le grondait quand il reçut une lettre. « Qu'est-ce donc ? » dit-elle. « Tu trembles ?»« Je n'ai rien, » répliqua Frédéric. Des Lauriers lui apprenait qu'il avait recueilli Sénécal, et depuis 15 jours, ils vivaient ensemble. Donc, Sénécal s'étalait maintenant au milieu des choses qui provenaient de chez Arnoux. Il pouvait les vendre, faire des remarques dessus, des plaisanteries. Frédéric se sentit blessé jusqu'au fond de l'âme. Il monta dans sa chambre, il avait envie de mourir. Sa mère l'appela. C'était pour le consulter à propos d'une plantation dans le jardin. Ce jardin, en manière de parc anglais, était coupé à son milieu par une clôture de bâtons, et la moitié appartenait au père Roch, qui en possédait un autre pour les légumes sur les bords de la rivière. Les deux voisins, brouillés, s'abstenaient d'y paraître aux mêmes heures. Mais depuis que Frédéric était revenu, le bonhomme s'y promenait plus souvent et n'épargnait pas les politesses au fils de Madame Moreau. Il le plaignait d'habiter une petite ville. Un jour, il raconta que M. d'Ambreuse avait demandé de ses nouvelles. Une autre fois, il s'étendit sur la coutume de Champagne où le ventre anoblissait. « Dans ce temps-là, vous auriez été un seigneur, puisque votre mère s'appelait de Fouvins, et on a beau dire, allez, c'est quelque chose, un nom. » « Après tout, » ajouta-t-il, en le regardant d'un air malin, « cela dépend du garde des Sceaux. » Cette prétention d'aristocratie jurait singulièrement avec sa personne. Comme il était petit, sa grande redingote marron exagérait la longueur de son buste. Quand il ôtait sa casquette, on apercevait un visage presque féminin, avec un nez extrêmement pointu. Ses cheveux de couleur jaune ressemblaient à une perruque. Il saluait le monde très bas, en frisant les murs. Jusqu'à 50 ans, il s'était contenté des services de Catherine, une Lorraine du même âge que lui, et fortement marquée de petites véroles. Mais, vers 1834, il ramena de Paris une belle blonde, à figure moutonnière, à port de Rennes. On la vit bientôt se pavaner avec de grandes boucles d'oreilles, et tout fut expliqué par la naissance d'une fille déclarée sous les noms d'Élisabeth Olympe Louise Roch. Catherine, dans sa jalousie, s'attendait à exécrer cet enfant. Au contraire, elle l'aima. Elle l'entoura de soins, d'attentions et de caresses, pour supplanter sa mère et la rendre odieuse. Entreprise facile, car Madame Éléonore négligeait complètement la petite, préférant bavarder chez les fournisseurs. Dès le lendemain de son mariage, elle alla faire une visite à la sous-préfecture, ne tutoya plus les servantes, et crut devoir, par bon ton, se montrer sévère pour son enfant. Elle assistait à ses leçons. Le professeur, un vieux bureaucrate de la mairie, ne savait pas s'y prendre. L'élève s'insurgeait, recevait des gifles, et allait pleurer sur le genou de Catherine, qui lui donnait invariablement raison. Alors les deux femmes se querellaient. M. Roch les faisait taire. Il s'était marié par tendresse pour sa fille et ne voulait pas qu'on la tourmentât. Souvent, elle portait une robe blanche en lambeaux avec un pantalon garni de dentelles, et aux grandes fêtes, sortait vêtue comme une princesse, afin de mortifier un peu les bourgeois, qui empêchaient leurs marmots de la fréquenter vu sa naissance illégitime. Elle vivait seule dans son jardin, se balançait à l'escarpolette, courait après les papillons, puis tout à coup s'arrêtait à contempler les cétoines s'abattant sur les rosiers. C'était ses habitudes, sans doute, qui donnaient à sa figure une expression à la fois de hardiesse et de rêverie. Elle avait la taille de Marthe, d'ailleurs, si bien que Frédéric lui dit, dès la seconde entrevue, « Voulez-vous me permettre de vous embrasser, mademoiselle ?» La petite personne leva la tête et répondit, « Je veux bien. » Mais la haie de bâton les séparait l'un de l'autre. Il faut monter dessus, dit Frédéric. Non, enlève-moi. Il se pencha par-dessus la haie et la saisit au bout de ses bras en la baisant sur les deux joues. Puis il la remit chez elle par le même procédé qui se renouvela les fois suivantes. Sans plus de réserve qu'une enfant de 4 ans, sitôt qu'elle entendait venir son amie, elle s'élançait à sa rencontre ou bien, se cachant derrière un arbre, elle poussait un jappement de chien pour l'effrayer. Un jour que Madame Moreau était sortie, il la fit monter dans sa chambre. Elle ouvrit tous les flacons d'odeur et se pommada les cheveux abondamment. Puis, sans la moindre gêne, elle se coucha sur le lit, où elle restait tout de son long éveillée. « Je m'imagine que je suis ta femme, » disait-elle. Le lendemain, il l'aperçut tout en larmes. Elle avoua qu'elle pleurait ses péchés, et comme il cherchait à les connaître, elle répondit, en baissant les yeux, « Ne m'interroge pas davantage. » La première communion approchait, on l'avait conduite le matin à confesse. Le sacrement ne la rendit guère plus sage. Elle entrait parfois dans de véritables colères. On avait recours à M. Frédéric pour la calmer. Souvent, il l'emmenait avec lui dans ses promenades. Tandis qu'il rêvassait en marchant, elle cueillait des coquelicots au bord des blés, et quand elle le voyait plus triste qu'à l'ordinaire, elle tâchait de le consoler par de gentilles paroles. Son cœur, privé d'amour, se rejeta sur cette amitié d'enfant. Il lui dessinait des bons hommes, lui contait des histoires, et elle se mit à lui faire des lectures. Il commença par les annales romantiques, un recueil de vers et de prose alors célèbre. Puis, oubliant son âge, tant son intelligence le charmait, il lut successivement Atala, 5 mars, Les feuilles d'automne. Mais une nuit, le soir même elle avait entendu Macbeth dans la simple traduction de Le Tourneur, elle se réveilla en criant « la tache noire !» Ses dents claquaient, elle tremblait, et fixant des yeux épouvantés sur sa main droite, elle la frottait en disant « toujours une tâche. » Enfin arriva le médecin qui prescrivit d'éviter les émotions. Les bourgeois ne virent là-dedans qu'un pronostic défavorable pour ses mœurs. On disait que le fils Moreau voulait en faire plus tard une actrice. Bientôt il fut question d'un autre événement, à savoir l'arrivée de l'oncle Barthélemy. Madame Moreau lui donna sa chambre à coucher et poussa la condescendance jusqu'à servir du gras les jours maigres. Le vieillard fut médiocrement aimable. C'était de perpétuelles comparaisons entre le Havre et nos gens, dont il trouvait l'air lourd, le pain mauvais, les rues mal pavées, la nourriture médiocre et les habitants des paresseux. « Quel pauvre commerce chez vous !» Il blâma les extravagances de défunt son frère, tandis que lui, il avait amassé 27 000 livres de rente. Enfin, il partit au bout de la semaine, et sur le marchepied de la voiture, lâcha ces mots peu rassurants. « Je suis toujours bien aise de vous savoir dans une bonne position. »« Tu n'auras rien, » dit Madame Moreau en rentrant dans la salle. Il n'était venu que sur ses instances, et 8 jours durant, elle avait sollicité de sa part une ouverture, trop clairement peut-être. Elle se repentait d'avoir agi et restait dans son fauteuil, la tête basse, les lèvres serrées. Frédéric, en face d'elle, l'observait. Et ils se taisaient tous les deux, comme il y avait 5 ans, au retour de Montereau. Cette coïncidence, s'offrant même à sa pensée, lui rappela Madame Arnoux. À ce moment, des coups de fouet retentirent sur la fenêtre, en même temps qu'une voix l'appelait. C'était le père Roch, seul dans sa tapissière. Il allait passer toute la journée à la Fortelle, chez M. D'Ambreuse, et proposa cordialement à Frédéric de l'y conduire. « Vous n'avez pas besoin d'invitation avec moi, soyez sans crainte. » Frédéric eut envie d'accepter. Mais comment expliquerait-il son séjour définitif à nos gens? Il n'avait pas un costume d'été convenable. Enfin, que dirait sa mère? Il refusa. Dès lors, le voisin se montra moins amical. Louise grandissait. Madame Éléonore tomba malade dangereusement. Et la liaison se dénoua au grand plaisir de Madame Moreau, qui redoutait pour l'établissement de son fils la fréquentation de pareils gens. Elle rêvait de lui acheter le greffe du tribunal. Frédéric ne repoussait pas trop cette idée. Maintenant, il l'accompagnait à la messe. Il faisait le soir sa partie d'impérial. il s'accoutumait à la province, s'y enfonçait. Et même son amour avait pris comme une douceur funèbre, un charme assoupissant. À force d'avoir versé sa douleur dans ses lettres, de l'avoir mêlée à ses lectures, promenée dans la campagne et partout épandue, il l'avait presque tarie, si bien que Madame Arnoux était pour lui comme une morte, dont il s'étonnait de ne pas connaître le tombeau, tant cette affection était devenue tranquille et résignée. Un jour, le 12 décembre 1845, vers 9 heures du matin, la cuisinière monta une lettre dans sa chambre. L'adresse, en gros caractères, était d'une écriture inconnue, et Frédéric, sommeillant, ne se pressa pas de la décacheter. Enfin, il lut. Justice de paix du Havre, 3e arrondissement. Monsieur. Monsieur Moreau, votre oncle, étant mort à Bintestad, il héritait. Comme si un incendie eût éclaté derrière le mur. Il sauta hors de son lit pieds nus en chemise. Il se passa la main sur le visage, doutant de ses yeux, croyant qu'il rêvait encore, et pour se raffermir dans la réalité, il ouvrit la fenêtre toute grande. Il était tombé de la neige. Les toits étaient blancs. Et même, il reconnut dans la cour un baquet à lessive qu'il avait fait trébucher la veille au soir. Il relut la lettre 3 fois de suite. Rien de plus vrai. Toute la fortune de l'oncle. 27 000 livres de rente. Et une joie frénétique le bouleversa à l'idée de revoir Madame Arnoux. Avec la netteté d'une hallucination, il s'aperçut auprès d'elle, chez elle, lui apportant quelques cadeaux dans du papier de soie, tandis qu'à la porte stationnerait son tilbury, non, un coupé plutôt. Un coupé noir, avec un domestique en livrée brune. Il entendait piaffer son cheval et le bruit de la gourmette se confondant avec le murmure de leurs baisers. Cela se renouvellerait tous les jours, indéfiniment. Il les recevrait chez lui, dans sa maison. La salle à manger serait en cuir rouge, le boudoir en soie jaune, des divans partout. Et quelles étagères! Quelles vases de Chine! Quels tapis! Ces images arrivaient si tumultueusement qu'il sentait la tête lui tourner. Alors il se rappela sa mère, et il descendit, tenant toujours la lettre à sa main. Madame Moreau tâcha de contenir son émotion et eut une défaillance. Frédéric la prit dans ses bras et la baisa au front. « Bonne mère, tu peux racheter ta voiture maintenant. Ris donc, ne pleure plus, sois heureuse. » 10 minutes après, la nouvelle circulait jusqu'au faubourg. Alors, maître Benoît, monsieur Gamblin, monsieur Chambion, tous les amis, accoururent. Frédéric s'échappa une minute pour écrire à Deslauriers. D'autres visites survinrent. L'après-midi se passa en félicitations. On en oubliait la femme Roch, qui était cependant très bas. Le soir, quand ils furent seuls, tous les deux, Madame Moreau dit à son fils qu'elle lui conseillait de s'établir à Troyes, avocat. Étant plus connu dans son pays que dans un autre, il pourrait plus facilement y trouver des partis avantageux. « Ah, c'est trop fort !» s'écria Frédéric. À peine avait-il son bonheur entre les mains qu'on voulait le lui prendre. Il signifia sa résolution formelle d'habiter Paris. Pourquoi y faire? Rien. Madame Moreau, surprise de ses façons, lui demanda ce qu'il voulait devenir. Ministre, répliqua Frédéric. Et il affirma qu'il ne plaisantait nullement, qu'il prétendait se lancer dans la diplomatie, que ses études et ses instincts l'y poussaient. Il entrerait d'abord au Conseil d'État, avec la protection de M. d'Ambreuse. Tu le connais donc? « Mais oui, par Monsieur Roch. »« Cela est singulier, » dit Madame Moreau. Il avait réveillé dans son cœur ses vieux rêves d'ambition. Elle s'y abandonna intérieurement et ne reparla plus des autres. S'il eût écouté son impatience, Frédéric fut parti à l'instant même. Le lendemain, toutes les places dans les diligences étaient retenues. Il se rongea jusqu'au surlendemain, à 7 heures du soir. Il s'asseyait pour dîner, quand tintèrent à l'église 3 longs coups de cloche, et la domestique, entrant, annonça que Madame Éléonore venait de mourir. Cette mort, après tout, n'était un malheur pour personne, pas même pour son enfant. La jeune fille ne s'en trouverait que mieux plus tard. Comme les deux maisons se touchaient, on entendait un grand va-et-vient, un bruit de paroles, et l'idée de ce cadavre près d'eux jetait quelque chose de funèbre sur leur séparation. Madame Moreau, 2 ou 3 fois, s'essuya les yeux. Frédéric avait le cœur serré. Le repas fini, Catherine l'arrêta entre deux portes. Mademoiselle voulait absolument le voir. Elle l'attendait dans le jardin. Il sortit, enjamba la haie, et tout en se cognant aux arbres quelque peu, se dirigea vers la maison de M. Rock. Des lumières brillaient à une fenêtre au second étage, puis une forme apparut dans les ténèbres et une voix chuchota « C'est moi ». Elle lui sembla plus grande qu'à l'ordinaire, à cause de sa robe noire sans doute. Ne sachant par quelle phrase l'aborder, il se contenta de lui prendre les mains en soupirant « Ah, ma pauvre Louise !» Elle ne répondit pas. Elle le regarda profondément pendant longtemps. Frédéric avait peur de manquer la voiture. Il croyait entendre un roulement tout au loin, et pour finir, « Catherine m'a prévenu que tu avais quelque chose. »« Oui, c'est vrai, je voulais vous dire. » Ce « vous » l'étonna, et comme elle se taisait encore, « Eh bien quoi ?»« Je ne sais plus, j'ai oublié. Est-ce vrai que vous partez ?»« Oui, tout à l'heure. » Elle répéta, « Hein, tout à l'heure, tout à fait. Nous ne nous reverrons plus. » Des sanglots l'étouffaient. « Adieu, adieu. Embrasse-moi donc. » Et elle le serra dans ses bras avec emportement.